verrou. Vous me cassez les couilles en gourous aveuglés, aliénant la morale. Vous alors son ringard, dérangé par la rouille. C'est une erreur, mes chers, qui vous sera fatale. Car s'enrichir sans fin sur le front d'autres hommes, il n'y a vraiment pas de quoi en être fier. Vous êtes les balais d'autres bêtes de somme qui vous feront bouffer à leur tour la poussière. Profiteurs, voler les richesses produites par vos frères et vous les humilier en vous appropriant un grand renfort de messe, le bénéfice qu'ils produisent en toute impunité. Dictateurs à l'été, vous nous pompez la moelle et gardez presque tout l'argent qu'on fait gagner, sauf quand ça tourne mal ou vous mettez les voiles pour ne pas rembourser les dettes contractées. Vous engendrez des liasses de dollars bienvenus lorsque vous les gardez. Mais vous pleurez l'État afin qu'il mette en place des subventions miracles lorsque vous vous plantez. Un ouvrier produit bien plus qu'il ne coûte et vous pleurez pourtant pour les charges à payer. À quoi bon les baisser si au bout de la route les patrons sont toujours les seuls à profiter? Vous aurez compris que les pauvres consomment et qu'à ce titre ils font tourner l'économie. Vous aurez intérêt à augmenter la somme qui leur tient le de paye et en feu vos profits. Qui leur tient le de paye et en feu vos profits. Qui leur tient le de paye et en feu vos profits.